On va te niquer tes souhaits tout en buzz sont tirés. Ils font des voyous mais ils ont jamais tué. Ils veulent mettre le feu, on va les refroidir. Sous votre cache j'ai des choses à dire. Y'a des choses à faire, vas-y fais-les. N'oublie pas que les grandes masques sont faites. On va t'enlever la vie et c'est ta mère qui va pleurer. Et c'est ta mère qui va pleurer. Tu dois des sous, ben vas-y paye. Sinon galope, tu t'enculé. 9 mm on arrive en GP. Tu te l'as raconté, tu savais pas où j'étais. Tu fais le fou, ben vas-y cours. Sinon tu vas finir à la une au JT. Je vais te fumer, te défouiller. Tu fais me couler, je vais te souiller. Tu veux mon réseau, mon flow, mon buzz. Attends MC quand je vais t'attraper. Vas-y galope, tu t'enculé. Gaga galope, tu t'enculé. Vas-y galope, tu t'enculé. Gaga galope, tu t'enculé. Je vais te fumer, te défouiller. Tu fais me couler, je vais te souiller. Tu veux mon réseau, mon flow, mon buzz. Attends MC quand je vais t'attraper. Vas-y galope, tu t'enculé. Gaga galope, tu t'enculé. Vas-y galope, tu t'enculé. Gaga galope, tu t'enculé. Y'a rien à faire, y'a rien à faire. Parle pas mal, on te monte en l'air. Raya, poteau, je les mets off. Je vois la vie en rouge, pas la vie en rose. Petit fils de pute, tu veux pas nous tester. Par la backdoor, on est trop détesté. On a connu la rue, on a connu la chaîne T. Désormais on fait des clips sales sur la 5D. On veut le monopole et toutes les grosses zones. Mais faire tapiner et ramasser des grosses zones. C'est la merde d'Amazon, ça va pas la tout va. Restez vivant chez moi, tu crois vraiment que tu mourras. 9 mm, on arrive en GP. Tu te l'as raconté, tu savais pas où j'étais. Tu fais le fou, ben vas-y cours. Sinon tu vas finir à la une au JT. Je vais te fumer, te débrouiller. Tu fais me couler, je vais te souiller. Tu veux mon réseau, mon flow, mon buzz. Attends MC quand je vais t'attraper. Vas-y galope, tu t'enculé. Gaga galope, tu t'enculé. Vas-y galope, tu t'enculé. Gaga galope, tu t'enculé. Je vais te fumer, te débrouiller. Tu fais me couler, je vais te souiller. Tu veux mon réseau, mon flow, mon buzz. Attends MC quand je vais t'attraper. Vas-y galope, tu t'enculé.